You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. Rachel a la haine, ouais. Comme Chloé, elle veut dire merde à toute la planète quand elle a découvert que son père n'est pas vraiment ce qu'elle croyait. Une nuit à Arcadia Bay, y avait la photo d'elle et de son père. Elle l'enflamme près de la forêt. Dans un cri de rage, elle kick à la poubelle. Il a foutu feu dans toute la forêt avant même la tempête à cause de son père. Il a foutu feu dans toute la forêt. Chloé ne peut pas revenir en arrière. Il a foutu feu dans toute la forêt avant même la tempête à cause de son père. Il a foutu feu. En lâchant sa mère qui veut se remarier, elle découvre qu'elle est en train d'aimer cette belle gonzesse qui avait l'air plutôt branchée. Puis Chloé s'est faite virer de l'académie parce qu'elle avait juste séché. Du coup, elle se remet à cloper en se demandant bien ce qui pourrait de plus arriver. Il a foutu feu dans toute la forêt avant même la tempête à cause de son père. Il a foutu le feu dans toute la forêt. Chloé ne peut pas revenir en arrière. Il a foutu le feu dans toute la forêt avant même la tempête à cause de son père. Il a foutu le feu dans toute la forêt. Mais où peut-être Max quand on a besoin d'elle? My dad died. I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. Avant même la tempête, à cause de son père, elle a foutu le feu dans toute la forêt. Chloé ne peut pas revenir en arrière. Elle a foutu le feu.